Période de questions. À la lumière des événements actuels, crois-tu toujours que Nostradamus s'est trompé en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient? Première question, quelle guerre au Moyen-Orient? Il y en a une qui se prépare, là, apparemment. Le 9, ça n'a pas été un succès, la négociation à Genève. On va savoir ça le 15. Ça fait partie des choses que l'humain a de la difficulté encore à saisir. Il y a, disons, on va prendre une théorie. La théorie va dire qu'il y a une planète Terre. Théorie. Parce qu'en réalité, il y a un peu plus de 5 milliards de planètes Terre différentes. Et disons qu'il y a une planète Terre, et présentement, ce qui va arriver là-dedans, c'est qu'il y a des humains qui vont progressivement découvrir qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais eu d'apocalypse. Et il y a des humains dans les années qui viennent qui vont découvrir qu'il y a eu une apocalypse. Sur la même planète Terre. Ouais. Il n'écoute pas le même poste de radio. C'est ça. Et c'est pourquoi je parle souvent de l'apocalypse des autres. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est dans une planète Terre avec différentes façons de voir les choses, différentes façons de voir le monde. Et à un moment donné, ben, il y a des êtres humains ou des animaux humains, enfin des êtres qui vont s'enligner dans un processus de capitulation en face de l'intelligence. Et progressivement, ben, ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait, donc ils vont faire la guerre. Et en même temps, il va y avoir une division, il y a des êtres humains qui vont vivre dans un monde qui, malgré certains soubresauts, etc., va progressivement avoir une tendance à s'améliorer. Et l'humain qui est sur la planète, va, dépendamment du choix, je parle souvent du choix de l'homme nouveau, du choix qui aura été fait au niveau de sa conscience, vivra soit dans l'un des mondes, soit dans l'autre. Alors évidemment, moi, je ne me suis jamais attaché à parler de ce qui va se passer dans le monde, dans le monde d'Adolf Hitler, finalement. J'avais dit l'an dernier, l'été passé, que ce qui se passait au Golfe de Corse, dans le Golfe, je sais, ça se sentait. Cette semaine, le 8, la veille de ce qui se passe, la rencontre de Genève, il s'est passé des problèmes avec les Indiens qu'on n'entendait plus parler depuis. Moi, j'avais dit que la façon dont le Québec réglerait le problème en Oka, ce serait de cette façon-là qu'on réglerait le problème en Irak. L'armée est venue, puis l'armée, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une force militaire n'intervient pas par les armes et parvient à faire ce que les politiciens ne peuvent pas faire, et en douceur. C'est la preuve que le Québec est un territoire extraordinaire et qu'il est effectivement appelé à quelque chose de phénoménal dans l'avenir. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a des pourparlers politiques. Il y a l'armée qui se pointe autour d'Oka, dans le golfe Persique. On envoie des blindés, des choses qu'on ne devrait pas servir. C'est des phénomènes de dissuasion, c'est ce qu'on fait dans le golfe Persique. Il y a un parallélisme total entre Oka et là-bas. Et à un moment donné, eh bien, là-bas, c'est plus gros, donc c'est plus d'envergure, ça va se tirer un peu plus. Et à un moment donné, eh bien, il y a la réunion de la dernière chance qui disent, mais ça, faut faire attention, la dernière chance, après ça, il y a la réunion de l'ultime chance, puis il y aura la dernière réunion de la chance, puis il y aura, tu vois, bon. Mais il y a cette réunion-là, justement, où les deux pays se rencontrent. Mais la veille, qu'est-ce qui arrive la veille? La veille, il arrive qu'il y a encore un problème en ce qui concerne les Mohawks, les Kanawagés et la sortie du Québec. Et là, c'est de la violence. Bon, guet-apens, est-ce que c'était prévu, c'était sur son balance, ça se tire dessus, ça se tapoche. Et ça, c'est le conflit même de... On parle d'Oka, on parlait du conflit nécessairement amérindien ici. Ben là, ça a pilonné la réunion du lendemain, qui était un échec total. L'armée a dit dernièrement qu'il faudrait peut-être revenir au corps, puis en deux jours, on réglerait le problème. On va investir la réserve, on va ramasser ce qui a ramassé là, on va bulldozer, on va tout défaire au complet. Après ça, on leur bâtira des maisons, puis on va s'en retourner, puis toutes les personnes qu'on considère criminelles là-dessus, on va les arrêter, puis ça va finir là. Deux jours. L'armée américaine a dit exactement la même chose. 7 jours. De 2 à 7 jours. Voilà. Un minimum de 2 jours, un maximum de 7 jours, on a fini. Il y a un grand parallèle. Maintenant, ça fait partie des choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire en conférence régulière, simplement parce que ça va informer l'astral, puis ça peut être coloré aussi au niveau de l'information, mais en tout cas, une chose qui est évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'imbécilité qui se passe à l'intérieur de plusieurs humains. Ces paroles encourageantes. Peut-on développer la conscience d'un individu? Si on est l'individu, oui. En stimulant le cerveau via les organes de la vue et de l'ouïe, en utilisant la lumière et des sons particuliers, pulsations lumineuses, sonores, ondes alpha, theta. Bon. Les acouphènes ou les phosphènes, entre autres, puis différentes autres formes de stimulation, vont être utiles sur les individus qui ont une génétique un peu vieillotte. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, des Québécois, ça ne veut pas dire qu'on exclut le reste de la planète. On parlait des Québécois parce qu'on est au Québec. Probablement que 87% des Québécois n'ont pas besoin de rien de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une génétique capable d'être évoluée par l'intérieur. Par de l'isométrisation cérébrale, par différentes autres techniques d'harmonisation sonore. Il y a d'autres choses que l'humain peut faire maintenant. L'humain, en l'occurrence le Québécois, doit s'autoriser. Il a le privilège de pouvoir le faire, sauf que la majorité ne le savent pas encore. Puis ceux qui le savent l'appliquent toujours à rien. Pourquoi? Parce que les nouvelles techniques n'ont pas assez de tradition pour que les égaux pensent que ça vaut la peine de les appliquer. On prend toujours des vieilles techniques. L'humain doit développer toutes ses structures cérébrales en fonction d'un atterrissement, d'une terrestrification de son intelligence à l'intérieur de son corps. Ça se fait par le mental. Donc le mental doit déterminer en fonction de ce que l'intelligence va lui dicter, des mécaniques à développer chez lui. C'est ce qu'on appelle devenir son maître contrôleur. Donc l'être humain ne devrait pas développer par des techniques extérieures non contrôlées par le mental, son corps physique, etc. Pourquoi? Parce que ça va faire comme ça l'a toujours fait dans l'Antiquité, c'est que l'humain devient l'esclave des techniques, et les techniques ne libèrent jamais l'humain qui pratique des techniques elles-mêmes. Alors j'en parle souvent en séminaire, mais si on prend un exemple très banal que je répète de temps en temps aussi, c'est que si vous faites du yoga et que ça vous amène la paix, si dans 20 ans vous essayez de faire du yoga et que vous perdez la paix, c'est normalement ce que font les techniques anciennes, c'est que la paix appartenait au yoga, puis la paix vous a jamais appartenu à vous. Alors, il y a donc des problématiques comme ça. Si l'humain développe des techniques qui sont à l'interne, des mémoires d'intervention, des mémoires de vibration, d'isométrisation, différentes techniques qui sont uniquement à l'interne, que ce soit par exemple des mémoires magnifiques pour contrôler le corps physique d'une façon mentale, des mémoires canviques pour canaliser l'énergie vitale, des choses comme genre, l'humain va progressivement avoir des mécaniques de régulation chez lui qui vont faire en sorte de toujours maintenir en état et d'améliorer sa condition physique sans qu'il ait à mettre d'énergie pour. Donc, il n'a plus besoin, par exemple, de faire de yoga, il n'a plus besoin de faire de conditionnement physique. Il restera en forme et en santé, ce qui est deux choses. Et il aura un cerveau qui va se développer progressivement en fonction de l'utilité que le mental, de prime abord, et que l'intelligence qui régit le mental aura besoin pour s'exprimer au niveau du corps physique. Donc, ce sont des techniques nouvelles, et ici, on parle encore de techniques qui, dans l'ensemble, sont des techniques qui ne sont pas vieilles, mais qui datent quand même de trop d'années pour la majorité des Québécois. Y a-t-il des risques karmiques à se soigner soi-même ou les autres en utilisant la technique Reiki? Non, il y a des risques karmiques de se soigner. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que c'est ça qui est la problématique quand on me pose des questions de temps en temps, c'est qu'on pourrait répondre banalement, on peut répondre un peu mieux, puis on peut répondre encore un peu mieux. Puis si on répond trop mieux, ça nous fait travailler. Si tu soignes quelqu'un d'autre, probablement que tu élimines de sa vie un baromètre, donc il peut y avoir un problème karmique à soigner quelqu'un d'autre. Si tu te soignes toi-même, si tu dilues un baromètre d'évolution, il peut y avoir un problème karmique. Autrement dit, c'est que tu aurais pu apprendre par ta maladie. As-tu compris? T'as compris? T'as tout su? Maintenant, soigne-toi. T'as rien compris, mais tu veux fuir la maladie, tu te soignes toi-même, il y a un problème karmique. Là, c'est comme tricher. Au lieu de faire chauffer plus dans l'appartement, on prend le briquet et on réchauffe l'indicateur de température. Au lieu de régler ça, le problème. C'est ça. Maintenant, c'est évident que c'est une maladie assez grave. C'est préférable de commencer par guérir un peu ta maladie, améliorer. Mais l'idée, simplement, c'est que prends en considération qu'il y aurait de quoi décoder là. Pour que ça ne revienne plus, c'est une chose, c'est que ça va créer l'événement que ça ne reviendra pas. Mais surtout pour que ce ne soit pas, à un moment donné, déphasé. On a des personnes... Vous savez, on parle du Nazaréen, souvent, qui a fait des miracles. Bon. À un moment donné, l'humain, l'homme nouveau, lui va faire des miracles. Le Nazaréen faisait la moitié, il faisait des miracles. Et, on dit qu'il guérissait une telle, et c'était extraordinaire, c'était génial. Combien parmi ceux-là sont pas devenus malades après ces guérisons-là? Ça, on n'en parle pas. C'est une grosse chose. À un moment donné, tu guéris quelqu'un, mais parce qu'il n'a pas appris ce qu'il avait à apprendre, ben, il va avoir une maladie ailleurs. Alors, il y a une personne qui a des ulcères à l'estomac, on lui guérit ses ulcères à l'estomac. Après ça, il fait de l'angine de poitrine, on va lui donner des médicaments pour des dilatateurs des vaisseaux cardiaques, par exemple. Bon, pour que son angine ne fasse pas trop de problèmes. À un moment donné, la personne va avoir des problèmes pulmonaires. À un moment donné, il va... Ben oui, c'est ça. Dans l'individu, il n'y a rien de changé, ce qui fait que si ça ne peut plus s'exprimer là, ben, à cause de la médication ou d'une intervention, ben ça va s'exprimer ailleurs. Karmiquement, c'est toujours un problème que de... Ben c'est simple, c'est qu'on a du karma uniquement parce qu'on ne se conscientise pas. C'est toujours karmique que de ne pas se conscientiser. Si oui, desquels, s'il y avait des karmas, d'où vient l'énergie canalisée par la technique Reiki? Est-ce que ça peut vous assujettir à un égrégore? Si oui, de quelle nature est-il? Bon. Ça assujettit effectivement. Bon, faut faire qu'on comprenne ceci. Mécaniquement parlant, je peux répondre à la question, disons, directement, mais ce que je vais faire là, ça va répondre à la question, ça va répondre à toutes les autres questions qui pourraient revenir... dans votre tête à vous, il y a d'autres personnes qui vont se pointer à un moment donné, qui vont quand même les poser, mais je pourrais leur dire de se référer à la cassette. Chaque fois que vous allez pratiquer une technique de cure, par exemple, qui est pratiquée par plusieurs personnes, dans la technique ici, il y a beaucoup d'énergie vitale. L'énergie, c'est de l'énergie planétaire. Il y en a plein, on la canalise. La problématique, c'est qu'on se centre aussi progressivement, et ça va devenir de plus en plus évident, vers un égrégore d'espoir au niveau de la cure, du résultat. Donc, progressivement, les individus vont finir par s'assujettir, eux aussi, à une mécanique astrale qui va traditionnaliser la technique. Et progressivement, les personnes vont finir par être assujetties. Dans l'attente du résultat de la technique. Entre autres. C'est pourquoi l'individu... Vous savez, on peut faire une chose, on peut être 20 000 personnes à faire la même chose, mais si on la fait tous avec une conscience individuelle, on n'est pas collectif. Bon, l'événement va faire partie d'une mémoire collective, fragmentée en mémoire d'intervention individuelle. Et comme la majorité de ceux qui appliquent des techniques sont des individus qui ne sont pas centrés dans leur intelligence, je veux pas qu'ils développent des égrégores collectifs, des habitudes, des façons de procéder. Vous tirez aux cartes, vous tirez à votre façon, c'est individuel et ça vous regarde. Oui, mais il y a 20 000 personnes qui tirent aux cartes. Vous êtes les seuls à tirer aux cartes. Vous tirez aux cartes comme vous avez appris dans un livre, et peut-être 200 personnes ou encore 1000 personnes, 10 000 personnes qui tirent comme vous. Et là, la problématique, c'est que vous êtes les 10 000 à interpréter. Votre intuition est totalement faussée. C'est plus sécurisant. Parce que là, on sait comment tirer aux cartes. En réalité, on ne sait pas. On se fie aux 10 000 qui ne savent pas plus que nous autres. Puis ensemble, on sait. Alors, c'est la problématique des techniques comme ça. Il y a quelques mois, pendant la crise autochtone au Québec, tu faisais un parallèle avec la crise. Je te pose la question. Je ne sais pas que tu lises à travers les papiers qui sont en avant. Je pense exactement la même chose. Tu disais que celle-ci se réglerait probablement de la même façon que celle d'Oka. Peut-on conclure que la crise du Golfe atteindra un degré de tension maximum pour se dissoudre, se résoudre finalement, après quelques temps, sans qu'il y ait de guerre? Étant donné que les Indiens et les Blancs ont recommencé à faire leur petit spectacle, quand j'avais 14 ans, j'ai vu une partie de mon avenir. Et dans cette partie d'avenir, je refusais certaines choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de parties de l'avenir que je refuse encore. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller vers ce que le chemin m'amenait et de bifurquer à un moment donné où ça irait mal pour continuer à aller bien. J'ai tout fait pour changer la prophétie et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est accompli encore plus précisément parce que probablement qu'elle avait inclus toutes mes démarches pour la fuite. C'est très salaud. Si c'est très, très, très enclenché dans la conscience de l'homme qu'il y aura une apocalypse militaire sur la majorité du contexte planétaire, probablement que les humains qui ont à vivre une apocalypse, donc ceux qui n'appliquent pas leur conscientisation, probablement que, quelle que soit l'intervention actuelle de mécanique intelligente, probablement qu'on ne pourra pas éviter des prémices ou des débuts de problèmes. Alors, on verra ce que ça donnera. À un moment donné, il y a des personnes qui sont intervenues à Oka, dans l'astral, et qui ont fait en sorte qu'il y a des choses qui sont placées. Et ces personnes-là, présentement, n'ont pas la valeur énergétique pour intervenir dans le golfe persique. Je me souviens plus si c'est Nostradamus ou Daniel Kemp qui disait que les Russes allaient se désassocier avec les États-Unis au moment où il y aurait une intervention. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y aurait... C'est dans des livres d'histoire que j'ai lu ça, remarque, c'est pas moi qui le dis. Qu'effectivement, à un moment donné, il y a dans un des livres d'histoire que j'ai lu, mais ça fait longtemps, c'est qu'il va y avoir un renversement du régime politique en Union soviétique. Il va y avoir une dissolution. Il va y avoir une association avec l'islam. Et il va y avoir la guerre. Par la suite, c'est la Russie qui va se dissocier de l'Union des républiques socialistes soviétiques et qui va s'allier aux États-Unis d'Amérique. Et si on regarde l'URSS, le seul peuple puissant, c'est les Russes, les Soviétiques. Ça n'est pas bien cette semaine-là. Et c'est très... Vous savez une chose, c'est que... C'est des... Voilà, tu me pousses à dire des choses qu'il ne faut pas dire. N'empêche. Pourquoi il faut faire attention, simplement, c'est qu'il ne faut pas comprendre spirituellement ce que je veux dire. Si tout le groupe ici... décident d'intervenir d'une façon que je leur montre. On peut restabiliser l'Union soviétique, restabiliser les phénomènes au niveau du golfe Persique, donc faire rentrer les choses comme elles devraient, être dans un contexte plus écologique. Je ne dis pas que quelqu'un a tort, que quelqu'un a raison. Parce qu'ils ont tous raison là-bas. Est-ce qu'on ramasserait le karma de la planète? Non. On ne pourrait pas le faire ou on le ferait sans karma. Et pour cela, ça voudrait dire que tous les individus qui sont ici devraient, minimum dans le mois qui vient, être capables d'appliquer à 100% toute l'intelligence qui va les traverser. Alors, à un moment donné, vous allez vous lever demain matin, vous allez avoir le goût de manger une saloperie, vous allez vous dire, non, ça n'a aucun sens, ça, je fous ça aux poubelles, vous le faites. Vous mangez une cochonnerie, vous êtes éliminé du mois, parce que vous allez nous retarder d'un mois. À un moment donné, vous allez dire, bon, ben tiens, ma femme, c'est ma femme, il faut que je la respecte, faut pas que je passe mon temps à vouloir coucher avec elle, t'sais. Coucher à côté, ça va, mais bon. Puis à un moment donné, subitement, ben ça vous démange, ça vous ramasse, puis là, la bonne femme, écoute, son devoir conjugal, c'est éliminé. À un moment donné, vous allez vous mettre en colère, vous avez trouvé ça totalement stupide, mais vous avez crié une fois pour absolument rien, vous êtes éliminé. Finalement, on se remonte qu'on va avec pas beaucoup de gens. Mais la puissance d'individus qui appliquent leur conscientisation, elle est totalement phénoménale. Et c'est un peu comme une bombe nucléaire jetée à travers une boîte de dynamite. Quand l'humain dit « Oui, mais regarde, ils sont des milliards à penser guerre, comment veux-tu que 100 personnes qui pensent la paix soient plus puissants qu'eux-mêmes? » Ben oui, ils sont 300 000 à se tirer des balles de fusil, on lance une seule bombe nucléaire et on règle le problème. C'est pas la quantité, c'est la puissance. Des êtres humains capables d'appliquer peuvent tout faire changer de A à Z. Le seul problème qu'il y a, c'est que présentement sur la planète, et moi compris, il n'y a pas encore d'êtres humains qui appliquent à 100%. Je ne parle pas de 99,8%, je parle à 100% d'intelligence. Nos corps physiques sont assujettis à des génétiques problématiques. Moi, c'est évident que j'applique l'intelligence d'une façon assez phénoménale comparativement à la moyenne humaine. J'ai des irritations. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas correctes. Des niaiseries. Si moi, je traverse totalement le phénomène, c'est pas long que par la suite, plusieurs individus vont traverser aussi. Ils vont être capables de l'appliquer. Sauf que c'est toujours celui qui est en avant qui a le plus de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ouvre le chemin. On est deux au Québec à ouvrir le chemin. Et un seul des deux passe dans le millième de seconde qui suit l'autre traverse. Et dans les heures qui suivent, il y a à peu près 75 personnes qui vont passer. C'est suffisant pour tout changer. La problématique, c'est que toutes les mécaniques d'involution, de stagnation astrale luttent pour que ces choses-là ne se fassent pas. Et l'intelligence est en train d'atterrir. Ça va se faire. Mais si on regarde, par exemple, le golfe Persique ou ces choses-là, il n'y a rien de plus facile que de tout changer. La seule chose qu'il y a, c'est que l'individu qui va vouloir se rapprocher, par exemple, de Saddam Hussein, pour se faire passer pour Allah, va aller lui dire quoi faire. Quand l'individu va se rapprocher de l'égrégore de l'Irak, l'égrégore musulman, eh bien, l'individu va commencer à oublier ce qu'il vient faire. Il n'a pas assez d'énergie. Alors, il va lutter pour pouvoir se rappeler de ce qu'il a à faire. Il va se rendre compte qu'il vient de s'éloigner du pays. Et maintenant, il sait, mais il n'est plus là. Un individu qui applique pendant, je dis 30 jours, disons un mois, ou du 31 jours, à 100% ce qu'il est, il traverse totalement, il n'y a plus d'apocalypse pour lui et il devient totalement le maître de sa conscience. Sauf que les individus sont tout près d'eux. Et il n'y a rien de plus fendant pour un égo que de se faire dire que tant que moi je ne l'aurais pas fait, les autres ne peuvent pas le faire. Il n'y a rien de plus... Je le dis, le mot, c'est dedans. Parce qu'astralement, on pourrait faire ça en voyage astral, aller prendre l'identification d'Allah et aller parler à Saddam Hussein dans son rêve et revenir. Oui, sauf que là-bas, c'est protégé en maudit dans l'astral. Il faut que c'est puissant. Alors, l'idée, une personne va dire, par exemple, il y a des personnes qui se réunissaient à un moment donné pour prier pour que la Terre soit en paix. Ça ne donne rien. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait, ça vient cristalliser dans la conscience de tous les habitants de la planète Terre qu'il faut la paix. Alors, il y en a pour qui, pour avoir la paix, il faut absolument tuer l'ennemi. Alors, ils vont rentrer en guerre. Ça ne fait... Regardez comment c'est bien organisé. C'est une vraie vacherie. Parce que si vous auriez les petits contacts que j'ai à certaines places, vous seriez... Oui, c'est un problème. Il faut des mots québécois pour dire la merde qui se passe en haut. Saddam Hussein déclare que... On fait un détour là-dessus, il y a d'autres questions, mais c'est énergétiquement intéressant et c'est utile en même temps de connaître ces choses-là. L'humain est totalement manipulé par un contexte d'évolution archangélique, donc de troupeau. Saddam Hussein a déclaré que si les Américains les attaquaient, le premier pays qu'ils eux attaqueraient serait l'Israël. Pourquoi? Ils sont sûrs de perdre la guerre. C'est pour ça qu'ils vont attaquer Israël. Pourquoi? Israël savent que l'Irak va les attaquer le moindrement qu'il y a un coup de feu de trop de tirer de la part des Américains. Qu'est-ce qu'Israël fait? Il tapoche les musulmans sur le territoire. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi l'Irak va attaquer Israël? Si les Américains rentrent en guerre, ils vont détruire leur pire ennemi, Israël. Parce que si l'Irak se fait planter, Israël va vouloir conquérir l'Irak, puis ils vont te massacrer tout ce qui existe comme musulmans. Pas les Américains. Mieux vaut être dominé par les Américains après une guerre que par les Israéliens. Alors ils veulent attaquer Israël. Mais Israël, eux, pourquoi qu'ils ne s'adoucissent pas pour leur dire, écoutez, on ne vous fera rien. Attaquez-nous pas. Puis c'est avec des bombes nucléaires de pauvres, des armements chimiques et bactériologiques qu'on veut tuer les Israël. Et donc, en même temps, l'Irak, le Koweït est un territoire qui appartenait à l'Irak, v'là bien longtemps. Tout le monde a raison. Alors, ça ne sert à rien que les dirigeants se rencontrent pour parler. Ils ont tous raison. Et ça fait des centaines d'années que c'est bâti pour en arriver à un point culminant où tout le monde aura raison. Les Américains savaient depuis longtemps que l'Iran et l'Irak doivent rester en guerre. Alors, ils les alimentaient. Alors que ceux qui ne comprennent rien aux mécaniques planétaires disaient que les maudits Américains sont toujours en train de fallait que l'Irak ne perde pas et ne gagne pas la guerre, et que l'Iran ne perde pas et ne gagne pas la guerre, et que les deux restent en guerre. Puis ils tenaient occupés, bien entendu. Voilà. Mais ils ont arrêté de faire la guerre, puis maintenant on est près d'une guerre mondiale. Et tout est parfait. C'est... En tout cas, c'est comme ça, mais il m'a dit franchement, la planète Terre est très, très, très... C'est... Le personnage qui dirige est un personnage qui dirige le bien et le mal. Quand il y a trop de bien, il va promouvoir le mal pour que l'humain paye. Quand il y a trop de mal, il ramène le bien pour que l'humain survive. Tout ça dans une mécanique, c'est de protéger l'humain contre les interventions extraterrestres en couvrant la planète Terre d'une mémoire de souffrance, de dégueulasserie totale. Quand un extraterrestre traverse le monde astral pour arriver sur la planète Terre, il revire de bord en se disant « c'est pas là que vit la race évoluée ». Alors qu'en dessous, elle est là. C'est pas par hasard, c'est par l'hasard. C'est effectivement l'hasard qui fait ça dans le conte de Saint-Germain. Mais il y a plein de petites conneries comme ça qui sont... À l'instant où un humain devient intelligent ici, l'hasard quitte et finit son rôle. Tout le contexte apocalyptique décolle, puis c'est l'apothéose qui apparaît. Il faut rien. C'est ça qui est le plus con. J'allais dire, qu'est-ce qu'on attend? Ben oui! Il faut vraiment pas grand-chose. C'est toujours la même chose. Il ne vous faut rien pour... Je prends toujours l'exemple du gâteau puis de la pomme. Il faut rien pour prendre la pomme plutôt que le gâteau. C'est vraiment rien. Et quand c'est le temps de... C'est souvent le gâteau qui passe. Pourtant, il manque à rien. Nous autres, on peut pas se tromper. Ah non, nous autres, c'est correct, ça. C'est... Mais est-ce que c'est la rouge ou la verte? La mûre ou la fausse mûre? L'assiette. Qui est Maître Orion? Une illusion, un égrégore, une farce, une traîtrise. Ce qu'est Maître Orion. Je réponds à la Daniel Kim. Alors que le personnage Orion, c'est autre chose, c'est une mécanique d'énergie, c'est un faisceau énergétique qui descend pour préparer les terrains. On pourrait dire que du point, on va faire un parallèle rapide, et on va quand même accélérer pour les questions. Orion, c'est Jean le Baptiste du point de vue cosmique. Il vient uniquement préparer le terrain. Mais ce n'est pas Maître Orion. Ceux qui l'appellent Maître sont en train de se faire illusionner par un égrégore. Alzheimer, c'est quoi au juste? Je m'en souviens plus. Trop d'aluminium dans le cerveau. Mauvaise gestion des contacts synaptiques, ce qui fait que l'individu n'a pas la capacité de recréer les images énergétiques qu'on appelle la pensée, donc il perd la mémoire. Souvent, il y a mutation cérébrale commencée par une évolution, mutation qui n'a pas été supportée par de l'intelligence, qui a été supportée uniquement par l'événement. Donc, la mutation est commencée, elle est totalement inutilisable, et dans l'évolution, les mutations cérébrales font en sorte que de temps en temps, on perd la mémoire. Elle revient normalement quand la mutation est supportée par l'intelligence. Alors, progressivement, l'ego de l'individu fait un retour à l'envers. Au lieu de se réincarner, se désincarne progressivement, ce qui fait que ces mémoires, les dernières mémoires qui sont entrées vont commencer à fuir, alors que progressivement, l'individu va se rappeler surtout de son passé plutôt que de son présent. Depuis environ 4 ans, j'ai une pierre d'améthyste entourée de quartz. Depuis quelque temps, les cristaux d'améthyste grossissent et le quartz se vire mauve, puis devient améthyste, le processus s'accélère. Ça rime à quoi? Tous ceux à qui j'en ai parlé disent que ça ne se peut pas ou qu'ils n'ont jamais entendu ça. T'as rien le pire que de se faire dire qu'une affaire qu'on a, que ça se peut pas, hein? Pensez aux parents qui disent à leurs enfants, ça se fait pas de manger de même. Il vient de le faire. Ça se fait certain. Bon, je vais résumer rapidement parce qu'effectivement, ça se peut. Vous savez que simplement, on a juste à rajouter quelques électrons après le plomb pour en faire de l'or. C'est vraiment pas compliqué. Puis de l'or, aujourd'hui, on en fait synthétiquement. Ça coûte plus cher que de l'exploiter. On fabrique des diamants. C'est du charbon. Le carbone, qu'est-ce que c'est? C'est du carbone pur. Ben, le carbone pur, placé d'une certaine façon, c'est du charbon. Totalement noir, puis ça s'effrite. Le même carbone pur, placé d'une autre façon, c'est du diamant. C'est diaphane, on voit à travers, puis c'est à peu près incassable. C'est du carbone pur. Et que ça se peut pas. On va dire, ah oui, mais c'est à cause de la façon dont les atomes sont placés. On vient de décrire, mais on n'a qu'à placer les atomes d'eau différemment, puis on pourra s'en servir pour faire des maisons de bord. Est-ce que le changement de taux vibratoire de la personne qui c'est porte... Exactement, ce qui arrive, c'est qu'elle a créé des mutations au niveau des structures atomiques, au niveau de ses bijoux, de ses pierres. C'est simplement ce qui fait qu'il y a des couleurs différentes, puis il y a des choses différentes. Si on fait une analyse des pierres, on verrait probablement qu'il y a, du point de vue chimique, les mêmes constituants. Ce qu'on ne verrait pas, il faudrait faire une analyse atomique. La science n'est pas encore à ce niveau-là présentement. Avec une analyse atomique, on verrait qu'effectivement, il y a une différence au niveau des orbitales. Donc, on pourrait expliquer, on ne pourrait pas comprendre, mais on pourrait expliquer pourquoi, on pourrait décrire. Depuis quelques années, 3 ou 4 ans, mon cuir chevelu sèche. C'est ça qui écrit la question? La peau tombe? Ah non, je pensais que c'était les cheveux. Qu'est-ce que cela signifie? Les shampoings que j'essaie ne font vraiment pas effet. Tu répètes la question. Depuis quelques années, 3 ou 4, mon cuir chevelu sèche et la peau tombe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie probablement que la personne, elle vit, il faudrait encore, là je donne un exemple très rapido, la personne devra s'amuser à décoder un peu, mais c'est effectivement, il y a des problèmes qu'elle vit depuis 3 ou 4 ans. Il y a des problèmes au niveau des changements. Il y a des changements qui se sont faits malgré elle, des changements qu'elle refuse encore aujourd'hui. Il y a des choses qui ont bougé dans sa vie et qu'elle refuse toujours aujourd'hui. Il y a de la mémoire qui est tombée. Est-ce que si on laisse tomber des vieilles habitudes, ça... La personne, elle devra accepter des choses au niveau des changements. Je donne un exemple. C'est comme si la personne elle aurait perdu quelqu'un qu'elle aimait, quelqu'un qui est mort. Puis elle continue encore à le vénérer, elle garde ses cochonneries, ses photos, ces choses-là. Bon, ça pourrait s'exprimer. Chaque individu va l'exprimer différemment. Hein, c'est pas toutes ces personnes qui vivent avec une personne à un moment donné, puis cette personne-là disparaît, qui vont avoir des symptômes similaires. La personne, elle devra décoder dans ce sens-là. C'est évident qu'il y a des choses qui sont transformées, des choses qui ont à être rejetées. Elle résiste. Ça va donc, qu'on pourrait dire, sécher, mourir sur elle. Lentement, ça tombe, ce n'est plus énergisé. Il y a quelque chose qu'elle peut décoder là-dedans. Ce n'est pas une question de queue, mais si la personne change des attitudes, énergétiquement, elle va changer sa façon de vivre et ça va régler des problèmes. Regardons ceci, je le répète encore une fois, c'est que la médecine, votre médecine traditionnelle reconnaît les maladies psychosomatiques, elle reconnaît la puissance du conscient et du subconscient à vous rendre malade, puis elle refuse totalement de reconnaître la même puissance à vous guérir. C'est totalement absurde. Alors le stress peut créer plein de maladies. Le bonheur, est-ce que ça peut guérir? Oh, bah ça, un instant, ça, c'est juste une illusion. C'est des médicaments qu'il faut, c'est des traitements qu'il faut. C'est torieux. Ça se peut dans un sens, ça se peut dans l'autre. Effectivement, la personne, en changeant certaines attitudes chez elle, va régler son problème. Mais il faudrait qu'elle décode devant qu'est-ce qu'il y en est. J'ai appris que nous avions un 8e chakra en formation, à 19 pouces au-dessus de la tête, l'autre au-dessous. Une boule de cristal, quelle est sa fonction? On s'est retour dessus. Mais ça va permettre aux extraterrestres de venir lire leur avenir. Vous avez raison, mais ce n'est pas ça. Il y a effectivement un carrefour d'énergie, chakra, qui est en création au-dessus de la tête. C'est beaucoup plus un troisième cerveau, un cerveau éthérique, qui est les prémices du double éthérique, qu'un carrefour énergétique comme on le connaît au niveau des 7 carrefours principaux. Le corps physique est constitué normalement de 7 carrefours principaux, de 63 carrefours secondaires et de milliers de carrefours tertiaires. Donc il n'y a pas juste 7 chakras, mais il y en a 7 principaux. Les chakras sont des carrefours d'énergie, donc il y a des méridiens qui se coupent. Pas les méridiens qu'on se sert en acupuncture, des méridiens d'énergie terminale et non pas d'énergie yin et yang. Et ça fonctionne par pulsation. quand il y a une pulsation, un voyant voit le chakra s'illuminer, juste une ligne. Après ça, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et c'est ce qui va leur donner l'illusion d'une roue qui tourne. On parlera d'une fleur. Un lotus aux mille pétales, par exemple, le chakra coronal. Il y a chez l'être humain en conscientisation la création d'un troisième cerveau, c'est-à-dire la création par la négoïsation, la fonte de l'ego, d'une mécanique dans l'éther, donc dans le plan vital, dans le plan éthérique. C'est une amorce de la création d'un double éthérique qui va permettre à la conscience de l'humain d'être totalement immortel et par la suite d'être éternel, même si le corps physique s'en va. On en a déjà parlé, puis on va revenir là-dessus. Et c'est un troisième cerveau. Un voyant qui verra ça, qui est traditionnellement investi de l'idée des chakras, pensera encore que c'est un chakra. C'est un troisième cerveau. Lui, va entrer en contact avec la glande pinéale, qui va ramener le corps physique progressivement à une jeunesse endocrinienne. Et il va progressivement assujettir l'hémisphère droit et gauche, qui est, dépendamment des individus, cartésien et intuitif, donc émotif, pour amener une vision extraterrestre et terrestre dans la conscience de l'humain. Et l'humain, rendu là, aura ce qu'on appelle une bilocation de conscience. Il aura une conscience galactique et une conscience planétaire. Ce que l'intelligence n'a pas et ce que l'humain n'a pas. J'ai un problème à me lever tôt le matin. Je dors beaucoup. La paresse se pose depuis. Je me demande comment y remédier. Qu'en penses-tu? As-tu une réponse à ma question? Oui, vous devriez simplement vous arranger pour vous lever. Vous voyez que ce que je vous dis, c'est que ça ne demande rien. Puis, X en demande donc. Puis ça demande toujours rien. La personne a de la difficulté à se lever. Si elle se roule, puis elle se laisse tomber en bas de son lit. Puis après ça, elle rampe jusqu'à la sortie de sa chambre. Elle est rendue là, elle va avoir l'énergie de se lever, là. Mais c'est facile de se rouler jusqu'en bas. Mais là, c'est l'intellect qui va être votre pire ennemi. C'est un enfant, elle roule jusqu'en bas, on comprend, mais un adulte, il roule en bas de son lit, puis se traîner chez elle. On n'a rien à faire. La personne, elle est effectivement... premièrement, il faut comprendre, est-ce qu'elle a mal dormi? Est-ce qu'elle se couche trop tard? Bon, on vérifie des petites choses. Tout ça peut être décodé. Pourquoi tu te couches trop tard alors que tu sais faire que tu te couches de bonne heure, tu sais? Pourquoi tu te fais charrier pendant la nuit? Une chose qui est évidente, c'est que la personne devra travailler. Moi, je ne veux pas lui donner ce qu'elle doit faire. Pourquoi? Parce que je vais faire comme tout à l'heure, on parlait de guérison. Je ne peux quand même pas pour ôter... Vous ôtez les capacités que vous avez d'apprendre de par vous-même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous pouvez apprendre et vous pouvez régler le problème en l'apprenant. Quand je ne veux pas me lever, moi j'ai eu ce problème-là longtemps, quand je ne veux pas me lever le matin, je me suis autorisé à faire 102 étapes. Je me lève à 8 heures, puis je me réveille à 9h30. C'est quoi? Je me lève à 8 heures, mais je me réveille à 9h30. Je fais rien de... Ah, c'est parce que moi, si je t'ai connu, t'avais des bleus partout dans le fond, des choses de même. Après, c'est mou. Continue à dormir, puis à rêver pareil, mais je déjeune, puis je fais mes affaires, puis à 9h30, je me réveille. Ce que vous devez faire facilement, c'est que quand c'est le temps de vous lever, atterrissez. Devenez vivant, rentrez dans votre corps, rentrez dans votre conscience, demandez-vous qui vous êtes, demandez-vous si vous êtes là. Parlez-vous 2 secondes, même à voix orale. Vous placez, par exemple, vos 2 doigts... sur les oreilles de votre femme ou de votre mari. Après ça, vous dites, « Qui suis-je? C'est le matin, est-ce que je me lève ou pas? » Ça répond, « Ben, reste donc, je fais encore 1h30. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Mais non, il faut que je me lève. » Bon, si là, l'énergie va commencer à revenir dans votre corps physique, puis après ça, vous devrez faire ce que l'homme nouveau devra faire, prendre son corps et le lever. Un jour, vous prendrez votre corps, puis vous marcherez, puis vous vous guérirez. Il faut commencer là. Ça demande de l'énergie. Vous savez, une personne, on va dire, paresseuse. Quand j'étais jeune, je disais souvent à mes amis qui fumaient, t'as un avantage sur moi parce que tu fumes. C'est que t'as un des super moyens pour arriver à développer ta volonté quand on va arrêter de fumer. Alors, la personne, elle est paresseuse. C'est peut-être justement un élément parfait de sa vie pour qu'elle arrive à faire quelque chose. C'est pas un truc qu'il lui faut parce qu'on va encore éliminer. C'est merveilleux d'être paresseux à la condition qu'on se lève. Mais si tu n'as pas dormi de la nuit, c'est le matin que tu ne veux pas dormir. Non, mais là, il faudra t'analyser pourquoi tu ne dors pas. Tellement bien, calé d'un oreiller. Là. Tu fais sonner le cadran. Tu fais sonner le cadran 1 heure avant pour t'allumer 1 heure plus tard. Parce qu'il y a des choses que les enfants peuvent appliquer que les adultes n'appliqueront pas. Un matin, la personne se roule à terre, elle rampe, puis finalement, rendue du bord de la porte, ben là, coup de baisse, la fin. Le lendemain, ça fonctionne pas, veut pas. Elle se met un verre d'eau sur le bord de sa table de chevet la nuit, le soir. Le lendemain matin, elle se réveille, elle veut pas se lever, elle prend son verre d'eau, puis arrive à se lever sur sa tête dans le lit. Ça sert, j'ai droit à rien là. Mais là, elle se réveille, elle a pas le choix. Puis elle a un autre mental. Oui, vous allez apprendre à rire, à vous amuser, à être des clowns de l'évolution, ça va être génial. Sauf que l'humain est un adulte, puis un adulte, c'est sérieux, puis un sérieux, c'est pas évolutif, c'est pas conscientisant. Ça se prend au sérieux, ça vit pas sérieusement, ça ne s'amuse pas, ça n'a pas de joie. C'est toutes des façons qui vont... Là, vous allez dire, oui, ben après un an, effectivement, je me lève de bonne heure. Puis j'ai plus besoin maintenant d'avoir des trucs. Ces trucs-là, là, ils vous ont pas permis de vous lever. Ils vous ont permis de rajeunir. Ils vous ont permis d'apprendre à aimer vivre. Ils vous ont permis de changer, de muter. C'est ça leur a changé. Se lever de bonne heure, ça devient l'effet secondaire. Ben oui. Je veux changer d'emploi, on m'en offre un et c'est très facile d'être engagé, tout s'ouvre. Après un jour, je suis tanné. Je retourne en arrière à l'ancien. Même chose pour les objets que j'ai depuis longtemps, système de son, séchoir à cheveux, tout brise et je n'ai les moyens de rien remplacer, ah, vu ben, que je n'ai pas aimé le nouvel emploi. Certainement, parce que... Si on m'enlève tout ce que j'ai et qu'on ne le remplace pas, dois-je me forcer à aller en avant ou revenir en arrière? Vous allez devoir étudier ce qui se passe chez vous. Vous allez devoir vous comprendre. Je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire parce que je ne tiens pas à être un maître de personne. Donc, je n'assujettirai pas. C'est karmiquement trop pesant. Vous avez des symptômes, en tout cas, de personnes qui se conscientisent. Faudra, à un moment donné, c'est comme si ce soir, il y a des questions qui sont tellement intéressantes, on ne peut pas répondre. Il faudrait que la conférence dure jusqu'à 2-3 heures du matin. On pourrait prendre des éléments que tu as amenés tout à l'heure, puis tu sais, y aller. Moi, ça me fait rien, je m'en vais 5 heures à Québec. Là, je peux. Moi, ça ne me dérange pas non plus, moi, je ne vais pas à Québec. Bon, il y a une chose qui est évidente à un moment donné, de toute façon, c'est qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus des questions qu'on devrait poser soit en séminaire, pour qu'on puisse jaser, pour qu'on puisse prendre le temps, pour que je n'ai pas toujours l'impression de répondre trop vite. La personne ici a des symptômes de personnes qui se conscientisent, et qui ne comprend pas rien à ce qui lui arrive à sa conscientisation. C'est comme si elle agissait comme une personne totalement traditionnelle qui a maintenant une valeur énergétique à devoir changer. Exactement comme si, quand vous remettons, vous avez un enfant, votre enfant est extrêmement intelligent, extrêmement brillant, il a un paquet de qualités, puis il fait juste niaiser. Et c'est encore plus frustrant que de voir quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là, puis finalement qui fait au maximum de ce qu'il peut. La personne, elle a, dans ce qu'elle décrit là, les symptômes d'un individu qui aurait besoin d'un bon coup de pied quelque part. Et je ne parle pas au niveau psychologique, là. Peut-être que la personne ne comprend pas ce que je dis. Ce que je veux dire simplement, c'est que la personne, elle a une valeur énergétique qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle exprime et que ce qu'elle vit. Donc, elle peut ne pas être au courant, elle peut être au courant, mais c'est plus ça. Elle continue à vivre, elle a besoin de changement, elle va là-bas, finalement, c'est pas ça qu'elle voulait. Donc, elle interprète totalement mal tout ce qui se passe chez elle. C'est peut-être pas un changement d'emploi qu'elle a besoin. C'est peut-être un changement de conscience, un changement de vie, un changement d'amis. Alors, l'interprétant mal, ben là, elle pense que c'est telle chose. Elle va là. Finalement, c'est pas ça du tout. Donc, ça stagnerait immédiatement. Les objets qui vont commencer à la laisser. Celle qui analyse mal son énergie vitale, ça va commencer. C'est des choses qui vont arriver. En tout cas, bref, la personne, justement, c'est une personne qui probablement vit de médiocratie par rapport à sa valeur énergétique. Et je ne dis pas par rapport à ce qu'elle sait elle, d'elle-même. Je parle bien par rapport à sa valeur énergétique. L'hiver nucléaire peut-il être favorable aux mutants? C'est une des choses qui est prévue, c'est que effectivement une guerre nucléaire, thermonucléaire, pas uniquement nucléaire, une guerre thermonucléaire globale, ça, là, ça va avantager un paquet d'individus sur la planète Terre du point de vue de la génétique. Donc, ça va permettre l'accélération de l'avènement d'une race neuve, qui est celle de l'homme nouveau. Je parle bien d'une guerre thermonucléaire. Il y a une différence entre les phénomènes nucléaires conventionnels, une bombe nucléaire. La majorité aujourd'hui, aujourd'hui sont thermonucléaires, c'est quand même moins pire. C'est qu'au lieu de fissurer un atome, on fait une fusion des atomes. Donc on crée un soleil plutôt que de détruire. Donc à Nagasaki, Hiroshima, c'était une bombe atomique. Alors que par la suite, on a eu les bombes à hydrogène, des bombes thermonucléaires. C'est totalement différent. Ce n'est pas essentiel, ce n'est pas nécessaire, mais il y a beaucoup d'individus, beaucoup de corps physiques sur la planète Terre qui vont avoir un avancement au niveau d'un contact qui est rayonnant, irradiant, alors que la majorité des autres vont vivre une évolution mutatoire négative. Mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas ça du tout. Faut me dire ça. C'est bon, on est capable d'attendre 10 ans ou 20 ans de plus plutôt que de rusher une guerre thermonucléaire sur la planète. Lorsqu'on dort, doit-on être vivant? C'est difficile. Si vous dormez, vous ne pouvez pas être vivant. Mais si votre corps physique dort, si votre corps astral est en voyage astral, vous pouvez vous rester quelque part et être totalement vivant. Ça répond à la question. Tu as déjà mentionné que les intraterrestres avaient été chassés sous la surface de la Terre. Explique par qui? Pourquoi, lorsque tu auras fini de prendre ta gorgée d'eau? Mais si elle savait, la personne que je boirais en même temps connaît la réponse. Bon, c'est, hein? Surtout par les conditions climatiques de l'époque. Le refroidissement sans cesse du plan planétaire, puis de l'avènement des races... des races génétiques amenées par les forces géoviques, les forces iaviques, puis les forces élohimiques. Les Elohim, surtout de l'époque, qui ont amené ces choses-là. Une grande partie des races intraterrestres sont des vestiges très, très, très, très bas, refroidis de ceux qui ont refusé le... Ce sont des Elohim. Et... Surtout le contexte climatique. Il s'est passé d'autres choses. La planète Terre a été une prison pour les contextes élohimiques. Les contextes iaviques, c'est les contextes géoviques. Bon, c'est un peu gros. Je vais vite un peu. Là, il reste des questions pour revenir un petit peu sur l'idée après. Mais c'est surtout le refroidissement planétaire qui les a amenés là. C'est encore le refroidissement qui aujourd'hui les empêche de pouvoir continuer à vivre. Leur génétique est très altérée. Et c'est pourquoi ils font tout pour essayer de voler la génétique humaine. Et la majorité des apparitions extraterrestres sont toujours des apparitions intraterrestres en réalité, avec des expériences qui sont toujours au niveau soit animal ou soit encore au niveau des femmes ou des enfants. Donc, si Saddam Hussein mettait le feu au puits de pétrole, ça ferait de l'affaire? Énormément, parce que ça va créer, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'en va vers ce genre de choses-là. La pollution carbonique, l'effet de serre est industriellement manipulé par les intraterrestres qui ont besoin d'engendrer un réchauffement majeur du contexte planétaire parce que présentement, ils sont de plus en plus obligés à sortir. Et comme ils ont besoin d'une atmosphère plus sulfureuse, plus neutreux, ils font tout aussi pour qu'on ait au maximum de pluie acide pour rendre de plus en plus, ils sont d'acide nitrique et sulfurique surtout qui est devenu, pour avoir créé une atmosphère le plus près possible des conditions qu'ils vivent. Parce qu'eux aussi sont près d'un apocalypse. Si on n'a pas. C'est que la nôtre est presque l'apothéose pour la leur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'être humain est beaucoup plus que ce qu'il voit. Imaginez les intraterrestres comme les extraterrestres, ils rencontrent des humains pour demander aux humains qu'est-ce que l'humain est. Alors, ils sont toujours mal renseignés. Il n'y a pas un humain qui le sait. Et s'ils vont se faire rabaisser ça, c'est... Ils parlent à des égaux, tout le temps. L'autre jour, assis paisiblement chez moi, j'ai observé que ma conscience était ailleurs, dans cet ailleurs d'une masse énergétique, émanait des questions évolutives auxquelles je répondais rapidement et précisément. Puis durant un court instant, la masse d'énergie est devenue un être de lumière dorée à ma ressemblance. Quoi de décodé? Vous avez fait... C'est dangereux que je réponde. Pourquoi? Parce que votre ego écoute. Après ça, l'ego, il va vouloir jouer à X, Y, Z. Tous les humains sur la planète Terre se valent des milliards et des milliards de soleils. Sauf que les humains ne valent pas grand-chose. La personne, elle a probablement été en contact un petit peu avec son intelligence. Elle a gagné un égrégore astral supramental dans le monde de la mort. Elle a peut-être aussi eu la capacité de voir, de peut-être réincarner un tout petit peu d'avenir. Parce que les extraterrestres qui vont venir sauver les humains qui seront sauvés, ce sera les extraterrestres et ce seront en réalité des terriens. Ce sera, et c'est très simple, c'est que si à un moment donné, bon, chose qu'on réserve au séminaire, qu'on en parle beaucoup, si un jour vous rencontrez, mettons, vous êtes quelque part, vous avez à être ramassé par un extraterrestre, vous allez reconnaître le bon extraterrestre simplement parce qu'il va vous ressembler. Parce que c'est vous qui, dans l'avenir, allez revenir dans le passé et vous chercher. Elle a eu, à un moment donné, un contact avec eux. Elle a simplement vu un peu des choses qui lui ressemblaient. Sauf que si par la suite l'ego s'imagine que, ah bon, donc je suis un être de lumière, je suis c'est la spiritualité, elle n'aura plus jamais de contact avec ça. Elle peut avoir un contact avec la mémoire du contact, puis avec le contact. C'est pourquoi il faut faire attention avec ce genre de choses. Ce qu'elle a fait, c'est parfait, c'est bien. Ça, c'est... Faut pas le prendre au sérieux, puis faut... Non. Quel est le mécanisme de la méditation transcendantale? Ben, vous vous asseyez pendant 20 minutes. Vous répétez un mantra. C'est pas ça la question. Comment ça fonctionne pour amener une relaxation? Ça, c'est écrit en arrière. L'individu s'assoit, l'individu prend un mantra qu'il prononce. Donc, normalement, un bon méditant devra parler le mantra et non pas le répéter. Le répéter, ça veut dire le répéter dans la pensée. S'il le prononce sans arrêt, progressivement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va centrer toute l'attention énergétique de sa pensée, de son astral, sur le mantra. Donc, il va avoir placé un hameçon dans sa conscience, et comme tout l'ego au complet va être en résonance avec le mantra, parce que quel que soit le mantra, il est bon. On s'en fout du mantra. On va dire à quelqu'un que le mantra est important. Pourquoi? Parce que si on ne donne pas de la valeur au mantra, l'ego ne voudra pas le répéter, le prononcer. Alors, on va dire à quelqu'un, tu as qu'à répéter patate pendant 20 minutes, tu vas voir ce que ça va donner. La personne va dire, je suis malade. Bon, donne-moi 1000$, tu répètes au corps. Ça a marché. Alors, elle donne 1000$, elle répète au corps, ça marche en maudit. Sauf qu'elle aurait pu l'avoir gratuitement, puis répéter patate. Bon. Mais ça ne fonctionne pas si vous répétez patate gratuitement. Ça va fonctionner si vous payez 1000$ pour prononcer au corps. Si une personne, mettons, qui s'inscrit dans la méditation transcendantale, il peut dire, écrit, mais il charge cher en maudit pour nous fourrer. C'est ça, il peut... Un instant, non, on connaît les égaux, puis un égo, ça ne fera pas. Si c'est trop simple. Alors, la personne, elle répète, puis à un moment donné, la pensée est totalement subjuguée par la répétition du mantra. Alors, il ne reste plus de pensée. Il reste quoi? Il ne reste plus rien à part vous-même. Mais voilà, le résultat au complet, c'est vous-même. Fait que le corps se relaxe, tout se replace au complet, parce que la pensée, ce que l'homme pense être, est occupé. Alors, maintenant, il va rester la réalité de l'être humain. On peut arriver à la même chose en 30 secondes. La méditation transcendantale, elle va permettre à l'humain de vivre ça 2 fois 20 minutes par jour, si une personne le fait convenablement. Et si d'ailleurs, je l'ai dit souvent, c'est une des grandes techniques qui a été amenée, ça l'a permis à l'humanité, finalement, de faire un grand pas dans l'évolution, surtout au niveau des contextes américains. C'est un phénomène qu'on ne voit pas au niveau du PMC parce que normalement l'individu qui en est rendu là n'a plus besoin de la méditation transcendantale. C'est une des techniques les plus formidables qui a existé, qui existe encore, puis que plusieurs humains auraient intérêt à connaître. Mais pas à s'assujettir à la technique pendant le restant de ses jours. Ça permet une gustation de l'état de conscience. Regardez ce que ça. La méditation transcendantale, on devrait l'enseigner, par exemple, pour dire à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es autre chose que de la pensée? La personne a dit, oh, ben, écoute, mais c'est que je suis, c'est moi qui pense. Alors que c'est pas l'humain qui pense du tout. On lui montre ça, on le place un mois de temps, il pratique ça, puis après un bout de temps, on va lui dire, puis est-ce que tu arrives à des états particuliers? Ah, absolument, c'est même absolument génial, c'est ceci, c'est cela. C'est toi qui penses? Oui, parfait. Ben, en 2 secondes, de ta pensée, de t'amener au même état. Pas capable, hein? Pas toi qui penses. Puis ça, c'est un piège à penser. Maintenant que tu le sais, on va laisser faire la méditation. Maintenant, on va commencer d'autres techniques pour que tu finisses par l'extirper à jamais. Elles serviraient d'éléments de pratique, d'expérience, pour qu'après ça, tu puisses savoir que ça se peut. Il y a des phases dans ma vie où je soupire constamment. Pourquoi? faut faire attention. Qu'est-ce qu'on entend par soupir? Est-ce que le soupir, c'est uniquement des... Ça, c'est un soupir? Ben non, c'est des... Ça doit être écrit. Oui, mais je parle à plusieurs personnes aussi. Okay. Dans le point d'interrogation. Le soupir est un malheur de l'âme. Le... Et chaque fois que l'être humain soupire, il perd énormément d'énergie. Très, très, oui. Il perd énormément d'énergie au niveau de sa conscience. Quand on a besoin d'air, plutôt, c'est qu'astralement, on est probablement mal pris. On y a un stress quelque part qui fait que l'individu cherche de l'énergie. Alors, il a beau respirer convenablement, mais il garde au niveau physiologique le cerveau, le bulbe rachidien a toujours l'impression qu'il manque. Alors, il prend, puis il faut qu'il tire tous ses poumons au maximum, puis des fois, il y a à peine s'il y en a assez, mais il y en a suffisamment, mais c'est pour détendre sa cage thoracique. Alors, il devrait donc, à un moment donné, se relaxer un peu, puis aller chercher un peu de l'énergie ailleurs, il lui manque des choses. Le soupir est un problème astral. Et le soupir est une des grandes façons d'aller têter totalement l'humain. C'est... On pourra en parler longtemps, mais soupirer, c'est pas la chose à faire. C'est même pas bon. C'est même dangereux. Quand on est appelé à se rendre à un endroit X du Québec, est-ce notre double qui nous appelle? Est-il important de se rendre? Non, il est important simplement d'être joyeux. De s'amuser, de vivre sérieusement et de jamais se prendre au sérieux. Il y a des individus, effectivement, qui de plus en plus sont attirés, par exemple, par les Laurentides. Ceux qui ont un double éthérique, pas un double éthérique, mais normalement, c'est l'ajusteur de pensée qui se promène. Si votre ajusteur de pensée se trouve dans les Laurentides, il y a beaucoup d'individus qui, au fur et à mesure que le temps va passer, vont commencer à moins bien dormir dans la région de Montréal ou dans les cantons de l'Est. À moins bien s'alimenter, à être de plus en plus nerveux, de plus en plus stressé, et avec toujours le goût de monter dans le nord. À un moment donné, ils vont aller voyager dans les Laurentides, puis subitement, ils vont être en forme, ils vont bien dormir, les moustiques les attaquent, les agresseront pas trop. Là, l'ajusteur de pensée se tient probablement là, et l'individu est en train de se faire former pour grimper dans une région où il ne lui arrivera pas de problème quand il y aura des problèmes. Si c'est un voyage à faire quelque part au Québec, il y a aussi une reconnaissance réincarnationnelle qui peut se faire, c'est-à-dire qu'il y a des particularités, des composantes réincarnationnelles chez l'individu qui ont habité certaines régions, et la personne est attirée par ces mémoires-là pour aller les digérer, donc elle va visiter, elle les digère, ça va bien. Donc, dépendamment des choses. Le double éthérique, non. L'ajusteur de pensée peut attirer. Est-il important de s'y rendre, y vivre tout de suite, ou bien nous nous rendrons de passage à cet endroit et ce sera aussi sécurisé? Vous devez comprendre une chose au niveau de l'évolution. Si vous appliquez les changements qui doivent être appliqués dans votre conscience, ça c'est beaucoup plus important, beaucoup plus utile et drôlement plus puissant qu'un déplacement mécanique vers un territoire particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu qui, à un moment donné, n'applique pas les changements chez lui, n'applique pas son intelligence, ne l'exprime pas, il aura beau être dans la meilleure école, il sera dans la soucoupe volante qui va le sauver pour mourir de cancer du poumon, il aura beau être entre les mains de Dieu, puis à un moment donné, Dieu va l'échapper, il aura beau être n'importe où, s'il n'applique pas son intelligence, il est de toute façon à la mauvaise place. Au mauvais moment. Si l'individu applique son intelligence après pour faciliter son changement, peut-être qu'il aura à se déplacer, peut-être qu'il aura à être dans une école particulière, peut-être qu'il aura à rencontrer des individus particuliers. C'est comme, par exemple, on aimerait qu'il y ait une apothéose sur la planète plutôt qu'un apocalypse, alors on veut tout faire pour que ça change. Si on n'est pas correct avec nous-mêmes, ça ne vaut même pas la peine qu'on s'essaye. On décide de se pousser quelque part sur la planète, puis créer un village où on va simplement évoluer en appliquant ce qu'on veut être. Si on n'est pas capable d'être ce qu'on veut être ici, si faut même pas la peine de s'en aller. On va repiquer la bosse qu'on est ici, progressivement, temporairement, après 10 ans, on va être revenu comme on le disait. L'humain doit, avant d'apprendre à respirer, l'humain doit appliquer déjà l'intelligence qu'il a chez lui. La première chose qu'on a à appliquer, c'est de discerner entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Êtes-vous des imbéciles? Non. Faites-vous des choses imbéciles? Oui. Vous êtes donc manipulés. Première chose à conscientiser, c'est que c'est pas nous qui sommes le boss, dans le contexte psychologique. On choisit pas d'être en amour, on choisit pas d'être en haine, on choisit pas d'être heureux, on choisit pas que ça va nous faire rire. On écoute Bye Bye 90, on rit pas. L'année d'après, on l'écoute puis on rit. On rien décidé, on n'a rien décidé là-dedans. On rit ou on rit pas. Ah oui, mais j'espère qu'il était pas drôle. Tous les comiques vont vous le dire, si le public n'est pas réchauffé, il pognera pas. Alors, il peut arriver que si c'est tous des démoralisés qui sont là, on va être bien plate. Bon. L'humain doit comprendre qu'il doit appliquer les choses qui sont chez lui. Ça veut dire, au départ, vivre en aristocrate planétaire, ça veut dire que l'humain doit éliminer de chaque de sa conscience et de sa façon d'être tout ce qui ne fait pas partie de l'esthétique de l'être humain. Ça veut dire quoi? La première chose, ça veut dire qu'on doit cesser de chialer. On chiale encore. La première chose, ça veut dire de cesser de penser qu'on chiale. Ça chiale par ma bouche, par mon entremise. C'est stupide de chialer. Je veux pas chialer. Pourquoi j'ai chialé? Parce que je suis manipulé à chialer. Je n'ai pas à chialer. Progressivement, l'humain va finir par prendre le dessus, devient son maître contrôleur. Par la suite, c'est à l'interne. Comment voulez-vous vivre? Je ne parle pas des structures matérielles, je parle de nous. Je ne parle pas de votre corps physique, je parle à l'interne, au niveau de la conscience. Vous ennuyez tout seul. Ça fait 15 milliards d'années qu'on est dans la création. On n'a pas fini. À l'interne, on veut vivre comment? On gueule, on est impatient, mais astralement, psychologiquement, d'une façon pas correcte. On a de la difficulté à parler à quelqu'un, de la difficulté à se parler à soi-même. On se cache. Ça, c'est important à bouger. Avant n'importe quelle mode de structure. Je veux changer mon alimentation, c'est génial. Mais c'est pas ça qui va faire évoluer l'humain. C'est un résultat secondaire de l'évolution. Elle va changer d'une façon écologique seule, tout seul, sans lire de livres, sans s'assujettir à une façon d'évoluer. Si à l'intérieur, les choses qui doivent changer changent. Ces choses-là, on peut en parler, mais il n'y a aucun maître qui peut vous les faire changer. On peut vous montrer la cloche, t'as vous de taper dessus si vous voulez l'entendre sonner. On peut vous montrer un chemin, vous devez marcher dessus si vous voulez arriver. Il n'y a rien à faire, on ne fera pas plus. On peut vous illusionner que le chemin bouge, c'est une évolution spirituelle, ce n'est pas de la conscientisation. L'humain reste l'esclave, il ne devient pas son seul maître. Et ça, on ne peut pas faire ça au niveau de l'évolution par intelligence. On ne peut pas vous enseigner à devenir intelligent, vous ne pouvez que le devenir. Puis l'intelligence, c'est toujours individuel. Ce n'est pas collectif. On peut être 300 000 personnes d'accord. Mais on est tous d'accord parce que chez soi, on trouve que ça vaut la peine. Mais le reste, c'est un hasard. Si j'ai 299 999 personnes d'accord avec moi, c'est une bonne chose. Alors, la personne se déplacer pour aller ou etc., comprenez une chose, c'est que le plus important d'évolution, il commence directement dans votre chaise et c'est chez vous. Après, pour faciliter l'évolution, il y aura peut-être un paquet de techniques, style technique PMC, technique qui sont ajustées aux Québécois, puis à l'homme nouveau, à ceux et à celles qui sont en transition. Mais même là, on peut pratiquer les techniques à Jupen pendant 20 ans, puis ça ne va rien changer. Par contre, si on commence à changer chez soi, en n'ayant besoin de rien, on peut communiquer entre nous, vous rencontrez des événements dans la vie, l'automobile, le voisin, on rencontre des événements, si on peut changer. Ben après ça, les techniques PMC peuvent améliorer en maudit le confort de la conscientisation. Mais ça ne fera pas changer l'humain. Alors la personne, bon, elle peut se déplacer, ben elle est là-bas. Si rendu là-bas, on ne va rien voir. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui devait y aller. L'autre, elle. Est-ce que l'on peut être vivant pendant le rêve? Tu as répondu tantôt pendant le sommeil. Hein? Ce matin, en discutant avec un individu, mon corps vit vitale au niveau du bras droit s'est mis à chauffer. C'était une chaleur désagréable accompagnée de picotements. Ils ont perduré pendant plusieurs heures. Est-ce que c'était une perte, un gain, un baissement vibratoire ou autre? C'est probablement tout ça mis ensemble. En plus, il devait y avoir un déphasement du corps vital. Ça peut être causé par la présence d'un individu, ça peut ne pas l'être. Mais il devait y avoir une présence d'une entité tout près, où il y a un phénomène énergétique qui veut têter, tout près. Je considère que depuis un bout de temps, je suis en train de devenir moi, sauf que depuis un certain... je sais pas quoi... Partout où je passe, soit que je brise des choses ou des choses se brisent. Pourquoi? Pour la simple raison que les forces d'évolution, et on en parle, ça fait toujours comme théorique, quand vous allez commencer à être suffisamment engagé au niveau de la conscientisation, au niveau de l'individualisation de l'intelligence, vous allez voir que la théorie passe à la pratique. On veut s'arranger pour vous convaincre que ce que vous faites comme changement, c'est pas bon. C'est pas bon, vous cassez des choses, les affaires se brisent, le monde se déprime. C'est pas sur le bon chemin. Centrez-vous sur vous, si c'est vous qui allez savoir si vous êtes sur le bon chemin, mais c'est pas en regardant à l'extérieur. Alors, faites attention aux zones allant, les métros vont être glissants, il y a plein de neige. La semaine prochaine, comment rendre matériel notre évolution? Comment monnayer notre évolution? C'est intéressant, oui. Vous devrez être au premier étage.